La crème du 9-1 sera dans les bacs, tu vas sucer plus tard. C'est pour les pulcras du 9-1. ALKPOTE, Kevin Ramos, Zino, BR, Brut. C'est presque un rap de Glodo. Des sales sondeurs comme Jack Bauer. Tu vas suer 24 heures chrono. N'aie pas peur, poto. Minuit, on se transforme en vampire ou en acteur porno. Que les mecs du 9-1 fassent leur promo. Le disque est dans les bacs. Vision nocturne pour tirer dans les pattes. J'aime les entendre crier quand je les doite. Que ce soit ma plume, une sale pute. J'ai pas le temps de rimer dans les boîtes. C'est le son de la rap, t'as le chant de l'ivresse. Tu t'entends jeudi de l'angoisse. Tu te réveilles vendredi 13. Le commissaire est un genre de Hitler. Une sirène, mon clan se disperse à grande vitesse. 3 du match, j'manque pas d'air. La verdure me perd. Jusqu'au fond la pleine lune et les lampadaires. On plantera l'air, boum, paire de ciseaux. Lance l'alerte au rappeur, néochrome lève le niveau. Salam à tous, les préliminaires, infâme staff. Featuring personne, on te les appouche. Si ce n'est pas le cas, coco, attends l'acte. Cru, premier projet solo, donc surveille l'acte. Wesh alors, bien ou bien? Ah ouais, en fait, je me suis pas présenté. Brut, l'élément fort, donc pas le temps de plaisanter. 9-1, Essonne, Corbeil. Oh, oh, oh, si tu t'es, c'est ta mère qu'on baise. C'est un classique, c'est chez nous que les balles sifflent. Et c'est chez vous que tombent les calcifs. Ok, génération nique tout. À la Sangoku, Gogeta. Pour ça qu'on paie souvent des cogetables. Vulgaire quand ça me prend. On a un vocabulaire large. Pourquoi s'en priver, fils de pute? Tu vois que je suis cultivé. La crème, le crime, du 9-1, brut au chrome. Écarte tes pattes que je pose mon gros cul sur ton trône. Quand t'assures bien, on veut savoir d'où tu viens. Nous c'est du 9-1, Evry, salope, lèche nos poils pubiens. Ça pue le chien, clochard, va fumer du crack. L'unité de flamme sera dans les bacs, tu vas sucer plus tard. Quand t'assures bien, on veut savoir d'où tu viens. Nous c'est du 9-1, Evry, salope, lèche nos poils pubiens. Ça pue le chien, clochard, va fumer du crack. L'unité de flamme sera dans les bacs, tu vas sucer plus tard. Le rap est dans les phares, le 91 est passé. Les bacs en manque de crack, ça nous éclate de tout déclasser. La cam, c'est de la coke, pas de la farine. Le drame, c'est que tu peux en perdre les narines. Nous coupe dans l'industrie du disque. Trop tard pour décaler. Si remballe ta vie, trop tard pour un pull-up comme un kill. 91% que ta meuf kiffe. Les pillages kiffent qu'on les baisse tout en leur tirant les tifs. On a plus de choses à dire que Johnny foncé à la CC. Recherche le succès pour se faire sucer en CC. Le Pushka vient du sud, ça. Néochrome le sponsor. Le flow est brutal, signé ses boîtes son record. Ma rime est de la cam et la strip ma distrib. Pas besoin de vacances pour que Coco M fasse un strip. BR, Zino, Brut, Kevin Ramos. On a Alka et Alka Pot. Allez, bastos. Full rap sur le trottoir comme un Mac. Et j'attends que ça ralasse pour m'offrir un 4-4. Rap sale comme le crack, l'argent de la drogue. Des raps sous et black, vas-y goûte la frappe. C'est la crème de la banlieue sud qui te braque. J'm'en bats les couilles même si j'sors pas de CD. J'préfère charbonner que chanter comme toi. Petit PD, on baise l'industrie du disque comme le fils. Comme on baise la France avec la blanche et le shit. Un jour j'espère que je roulerai en Ferrari. Et que j'aurai la côte comme Benzema et Nasri. Que je puisse mettre bien tous les miens, gros ça serait la cerise. Sur le gâteau sans prendre 10 piges ou sinon c'est la crise. C'est la crise. ZDNO, clic clic, fais péter le brolique. Pour la crème du 9-1 et pour la crème d'Afrique. C'est la test, c'est la hell, c'est la street. Brut, BR, Zekwezino, on a la trique. Quand t'assures bien, on veut savoir d'où tu viens. Nous c'est du 9-1, Evry, salope, lèche nos poils pubiens. Ça pue le chien, clochard, va fumer du crack. L'unité de flamme sera dans les bacs, tu vas sucer plus tard. Quand t'assures bien, on veut savoir d'où tu viens. Nous c'est du 9-1, Evry, salope, lèche nos poils pubiens. Ça pue le chien, clochard, va fumer du crack. L'unité de flamme sera dans les bacs, tu vas sucer plus tard.